بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، أتم به الرسالة وختم به النذارة وفتح به آذانًا صمًا وأعينًا عميًا وقلوبًا غلفًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه صلاة وسلاما يدومان وما ينقضيان ويزيدان على مر الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله، لقد اقتضت قدرة الحق سبحانه وتعالى أن يمتحننا في إيماننا وفي صبرنا وفي سلوكنا وفي حياتنا وفي معاملاتنا، حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره، وحتى يتميز المؤمن الصادق من غيره. يقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن هذا الامتحان إخواني هو بدأ بالأنبياء والرسل قبل أن ينتقل إلينا هذا الامتحان، فامتحنوا في دعوتهم وفي صبرهم وفي يقينهم وفي عقيدتهم، فصبروا وثبتوا وتيقنوا أن الله سبحانه وتعالى معلي كلمته ولو كره المشركون. وهذا امتحان بدأ بحبيبنا صلى الله عليه وسلم امتحن في أهله وفي صبره واستهزئ به، ولكن الحق سبحانه وتعالى كان دائما ينصره ويؤيده، وقال له مطمئنا له صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. أيها الأحباب، إن هذا الامتحان سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الرسل والأنبياء، هو سنة الله في خلقه. لقد قال له سبحانه في محكم كتابه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه سنة الله في خلقه، ولكن كيف كان رد هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء؟ الصبر، الاحتساب، رد السوء بالخير، كلمة الله التي هي مفتاح القلوب، فتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب قبل أن يفتح الخدود، فتح قلوب الخلق قبل أن يفتح البلدان. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا الحديث هو في صحيح مسلم، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن جاهد في سبيل الله حينما تتحقق الشروط والضوابط، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وفي حديث الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. مش أفهم مفضلون خادثي mais ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque cet état, ce comportement, ce sentiment d'aujourd'hui, il a été vécu bien avant nous. D'abord par notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui a subi les affres de la critique, de la cristallisation, de la stigmatisation, du démenti. On a eu de lui, d'abord au niveau de sa foi, au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, son environnement. Mais il a toujours résisté. Il a toujours contré le mal par le bien. Parce que son Créateur l'a qualifié ainsi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous n'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité entière. Cette miséricorde doit se caractériser, doit se traduire dans les actes, dans les paroles, dans le comportement et surtout dans la manière d'accepter, de résister et d'approcher les hommes. Parce que son message était d'abord d'ouvrir les cœurs avant d'ouvrir les frontières, de séduire les gens par ce message divin qui est empreint de miséricorde, de bien et de tout ce qui est positif et constructif. C'est ainsi qu'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette épreuve l'ont suivi bien avant lui tous les autres messagers qui l'ont précédé. Ils ont eu justement cet affront, cette approche de critique, et ils ont toujours contré ce mal par le bien. Et c'est ainsi qu'ils ont vécu, et c'est ainsi qu'ils ont gagné leur bataille, parce que leur bataille, c'était d'abord de transmettre le message divin, de vraiment concrétiser cette unicité divine qui devait se traduire d'abord par la conviction, deuxièmement par la reconnaissance et troisièmement par le comportement et la conduite exemplaire. Allah subhanahu wa ta'ala. أن ينفعنا من هذه النفحات وأن يجعلنا على هذا الأثر الصحيح وأن يقوي فينا هذا الإيمان وهذا الصبر حتى نتحلى به ونواجه الشر بالخير فيغلب الخير الشر ويعلو الحق على الباطل والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والمعنى بشكل خير. On est tous d'accord qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui le traitement qui est réservé à notre bien-aimé, parce qu'il est pour nous tout. Il est pour nous le symbole, la référence et le modèle à suivre. Et donc, l'insulter, c'est nous insulter. Alors, on ne doit pas se taire, mais on ne doit pas non plus tuer parce que l'islam condamne fermement la violence et le mal. Mais il y a une troisième voie. Il n'y a pas que le silence compromettant ou bien le meurtre et la violence. Il y a une troisième voie et c'est la voie sacrée de l'islam. C'est celle du juste milieu. يقول لنا مولانا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une nation du juste milieu pour que vous soyez témoin des gens et que le prophète soit témoin de vous. Cette troisième voie, mes frères, c'est celle du dialogue, celle de la communication, celle de l'échange. Est-ce qu'on ne se rappelle pas tous قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Nous avons été comme ça. Notre condition, notre raison de vivre, c'est aujourd'hui de nous ouvrir sur l'autre, sur les autres, échanger, se connaître, se faire connaître, et à travers de là, passer notre message. Ce qui arrive aujourd'hui, mes frères, c'est le résultat d'une méconnaissance totale, d'une erreur d'interprétation, d'appréciation. Soyez sûrs qu'aujourd'hui, on ne connaît pas réellement l'islam. On ne le connaît pas à sa juste valeur. On ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa moralité, dans ses vertus, dans ses valeurs et surtout dans son comportement exemplaire. Alors il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître. Faire connaître son comportement exemplaire avec les siens et surtout avec ses adversaires. Faire connaître les principes et les valeurs qu'il a inculqués à ses compagnons et qu'il a appliqués lui-même. Parce qu'avant de les inculquer, il les a appliqués. Il les a appliqués même dans les moments de crise, dans les moments de confrontation. Il était toujours d'une exemplarité. Certains de vous peuvent dire, mais aujourd'hui on ne nous écoute plus. Le dialogue est rompu. On ne nous écoute plus. Même si on leur parle, ils ne vont pas nous écouter. Et puis tout le monde aujourd'hui n'est pas outillé pour en parler. Tout le monde n'est pas habilité pour en parler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la tradition prophétique. Si on ne peut pas parler, on peut traduire les actes, on peut traduire les paroles par des actes. On peut transcrire tout ce qu'on veut dire par nos actes. Parce que soyez sûrs qu'aujourd'hui, on nous voit, on nous regarde, on scrute nos mouvements, on les étudie. Et à travers nos actes, notre comportement, notre conduite, on peut comprendre ce qu'on veut dire. Mais c'est ça la réalité de l'islam. C'est que nos paroles, nos actes, notre comportement doit transcrire réellement ce qu'on pense et ce qu'on croit. كلنا يقرأ قول الله تعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Nos actes doivent correspondre exactement à nos convictions. Mais ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on est très loin aujourd'hui dans nos comportements, dans nos actes, de ce qu'on doit réellement penser et faire. On est en train de trahir réellement notre foi parce qu'on ne respecte pas ça. Alors, il faut qu'on leur montre aujourd'hui à ces gens-là, si on doit vivre ensemble, on doit cohabiter ensemble, on est obligé. أن نعيش معا جميعا وأن نتعايش في سلم وأمان وطمأنينة كيف الحال؟ الحال هو علينا اليوم أن نخاطبه بأفعالنا أن نخاطبه بسلوكنا يجب أن نترجم إيماننا اليوم وعقيدتنا وأن نترجم المبادئ السامية التي أتى بها الإسلام وبلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترجمها في أفعالنا وفي سلوكنا وفي معاملاتنا حتى يحكموا علينا اليوم بأننا صالحون للتعايش. سمعنا جميعا من بعد الأفواه أننا لسنا صالحين اليوم للتعايش. هذا ليس صحيح. ربما بعض سلوكاتنا، بعض الأشخاص لهم سلوكات مشينة شاذة مغايرة للأصل، ولكن لا نعمم الحكم. معظمنا لهم إيمان عميق، لهم فهم جيد للإسلام. علينا أن نزيد عليه اليوم بالأفعال، بالسلوك، بالمواقف، أن تكون موافقة لهذا الإيمان. C'est la vraie philosophie aujourd'hui de la pensée islamique. Il faut que nos actes correspondent exactement à nos convictions et qu'on traduise réellement les fondements de l'islam. Sinon, ça va être de l'hypocrisie. À chaque moment, on doit être transcendé par l'esprit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On doit être habité tout le temps par son amour et son respect. Et on doit être mû par son éthique et par sa morale. Et ainsi que par les principes qu'il nous a légués et que je vais vous résumer succinctement en 5 points essentiels. Al-Akhlaq al-Nabawiyya wal-Maqamat والقيم التي اتى بها هي كثيره جدا ولكن الوقت لا يتسع اردت ان الخصها في 7 نقط اساسيه تناسب الزمان والمكان. الاولى وهي الصدق السنسيريتي سي لون دي بلو غران فالور هومان اي دي كاليتي هومان اوجوردي اي سور لاكيل اون جوج لي جون اي سي بور سولا كو ديو سبحانه وتعالى انسيستا دون لو كور الله سبحانه وتعالى يلح على هذه الخصلة على هذه الكرامة التي يجب أن تكون في الإنسان وهي الصدق. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Soyez avec les sincères. Soyez parmi les sincères. Intégrez la sincérité dans vos convictions, dans vos qualités et surtout traduisez-la dans vos actes et votre comportement. Il nous demande d'être sincères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus sincère. Vous savez que c'est une qualité qui lui a été révélée, vous savez, qui lui a été attribuée même avant la révélation. Quand le sallallahu alayhi wa sallam, quand la bi'tatihi, yulaqab bis-sadiqil amin. Le sincère et le loyal. Même ses adversaires, ils lui reconnaissaient cette qualité. Et bien sûr, il s'est confirmé par la suite et qui a continué. Vous savez que les Quraysh, Ahlul Quraysh, بقدر ما كانوا يثقوا في صدقه وفي استقامته كانوا يودعون عنده ودائعه ويعطوه اسرارهم يعتمدوه على اسرارهم لكن ديبوزي شيكلي تو لو بيان اي لوي كونفيرم ميم لوغ سكري سا ترادوي ريالمون سي دي زادفيرسيير اي كي فو كونيسي سي كاليتي دو سانسيريتي اي دو لويالتي او بروفيت صلى الله عليه وسلم لا دوزيام سي لونيتيتي. Et pensez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous reproche le plus. On nous reproche aujourd'hui qu'on n'est pas honnête. On nous qualifie de malhonnêteté aujourd'hui. Alors que le prophète était le symbole de l'honnêteté. Même ses adversaires, après la révélation, ils lui reconnaissaient cette qualité d'honnêteté. Bien sûr, ils ne la reconnaissaient pas au public, parce qu'ils avaient peur de perdre leur pouvoir et de perdre leur rang social, même ils la reconnaissaient. Il y a une belle histoire, qu'est-ce que j'aime, ça va être quand Khalid et Abu Jahl. Vous savez que Abu Jahl était l'un des plus grands adversaires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait le plus d'affection pour lui. Un jour, il rencontra un Akhlas Mouchar. Akhlas lui dit, Abu Jahl, nous sommes tous deux aujourd'hui. Et il n'y a personne qui nous entend. Donc, on n'est que entre nous aujourd'hui. Et je voudrais vous poser une question au sujet de Mohammed. Est-il sincère ou bien il ne l'est pas. Est-il véridique ou il est menteur? Et Abu Jahl dit, je jure que Mohammed est véridique. Il n'a jamais menti. Seulement, Radhiyallahu anhu s'aidera. Seulement, les Banu Qusay, avec Kabil et Nabi Sanjou, ils s'attribuent les pandas. Ils ont les pandas de l'islam. Ils ont la distribution de l'eau. Ils ont la protection de la Kaaba. Et si en plus ils ont la prophétie, alors que nous restons. Et là, je vous coule à dire, chère, n'aime pas la maïsa alayna, on n'aime pas la maïsa alayna. La troisième, avec le troisième principe, c'est la modération et le juste milieu. Elle est idale ou elle va sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait concilier les aspirations spirituelles et matérielles de l'homme. Et ceci lui a été dicté par son créateur. Car sallallahu alayhi wa sallam yajma wa yu'adil wa yuwazin ma bayna ma huwa ruhi wa ma huwa maddi ma bayna ma huwa dunyawi wa ma huwa ukhrawi. Wa hadha mistaqru billahi ta'ala wa Vive à travers ce que Dieu t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part de la vie. Tu vis dans cette vie, il faut qu'il y ait une part. Et tu dois pas remplir, bien sûr, tes obligations. Un jour, trois hommes vinrent voir les épouses du prophète pour les questionner sur la description de l'adoration du prophète Soares. Mais quand ils obtinrent la réponse, ils la trouvèrent un peu légère. Et ils voulaient démontrer qu'ils étaient plus en train d'adoration. Alors le premier dit, moi, je jeûne tous les jours sans jamais manger. Le deuxième dit, moi, je me lève la nuit et je prie toute la nuit sans dormir. Et le troisième dit, moi, je ne me marie jamais, je consacre ma vie à l'adoration. Mais quand l'information parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut furieux et il leur dit, quant à moi, je jeûne et je mange. Je prie une partie de la nuit et je dors le reste de la nuit et je me marie avec les femmes. Et c'est ma tradition. Et celui qui s'éloigne de ma tradition ne fait point partie de ma nation. Romain, il y a un sunnati, fallait s'amener. Le quatrième principe, c'est la politesse. Al-akhlaq wal-adab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très poli et avait une moralité exemplaire. Son créateur le qualifiait ainsi. Wa innaka ala khuluqin adhim. Tu es certes d'une moralité imminente. Il était très poli, aussi bien avec ses compagnons qu'avec ses serviteurs, qu'avec les petits-enfants. Le cinquième principe, c'est la justice et l'équité, et qu'on oublie très souvent. Notre comportement aujourd'hui doit être très juste et doit être très équitable, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos proches. Le prophète était insistant pour lui et il disait, ceux d'antan ont péri car ils renonçaient à punir le noble lorsqu'il volait, mais s'empressaient de sanctionner le misérable quand il volait. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure que si ma fille Fatima s'avère voleuse, de lui couper la main moi-même. Oxyde, in, blessi Fatima, salitas, an akta'ayahabiyad. C'est ça l'équité, c'est ça la justice, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, avant de l'imposer aux autres. En islam, il n'y a ni favoritisme, ni corruption, ni complaisance. Il n'y a que l'équité et la justice. Et c'est ça la vraie loi. Le sixième principe, c'est le pardon et la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pardonner les fautes et accepter les excuses et faire preuve de miséricorde. La dixième année, après la révélation, c'est la Asha ba'd al-Bi'th. كانت تسمى بسنة الحزن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فيها أعز الناس عليه وأقربهما إليه والذي كان على ذلك كان يعينانه على أداء الرسالة ويقويان عزيمته وهما عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها Cette deuxième année fut appelée l'année de la tristesse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu les deux personnes les plus chères à lui et qui le protégeaient et qui l'aidaient à accomplir sa mission. D'abord son oncle Abu Talib et trois jours après son épouse Khadija. Et la persécution s'agrandit parce que ceux qui le protégeaient ont disparu. Alors, ils se rendirent sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Madinat Taïf, 70 km à l'arc. Ils se rendirent à la ville de Taïf d'abord pour transmettre le message divin et aussi pour chercher un soutien. Mais il fut très mal accueilli par les gens de Taïf, au point que leurs enfants et leur simple esprit et lui jetèrent des pierres jusqu'à ce qu'il perdît du sang. Et quand il quittait la ville, Jibril, l'ange vient, vint le voir et lui dit au prophète, l'ange des montagnes est là, et si tu lui donnes l'ordre, il va ensevelir toute cette ville. Et il lui répondit, par la miséricorde qui lui était reconnue, non, je prie Dieu, subhanallah, pour qu'il fasse sortir de leur progéniture ceux qui vont l'adorer et lui reconnaître l'unicité. C'était ça la miséricorde, c'était ça le pardon, c'était ça l'amour qu'il transmettait et qui a permis à cet islam de se répandre dans le monde entier. Une deuxième histoire aussi très intéressante, elle survint la 8e année après l'émigration des Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'ouvrir la mer à la tête de 10 000 compagnons, ce qu'il fit sans aucune résistance. Et certains compagnons qui avaient subi les affres de la persécution de la part des Quraïchites, ils ont commencé à dire « Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. On va avoir notre vengeance de ces Quraïchites qui nous ont persécutés, qui nous ont pris nos maisons, nos biens, notre argent, nos vins, et donc on va se venger. » Mais le prophète ne pensait pas comme ça. Une fois qu'il rentre à la Mecque, il pose la question aux Quraïchites. Il leur dit « Que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Et ils répondirent « Du bien, parce que vous êtes un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Et il leur répondit « Allez-y, vous êtes libres. » C'est ça les qualités du professeur Harrison qu'on veut aujourd'hui transcrire et agir selon ça. Et le dernier point que je voulais vous citer, c'est le respect de la différence. Et quand je dis le respect de la différence, c'est le respect des gens qui sont différents de nous, mais avec qui on vit et on cohabite ensemble. Et nous avons un exemple flagrant, c'est celui du pacte de Médine. Vous savez que le professeur Harrison, quand il a émigré à Médine, il y avait une communauté hétérogène, il y avait toute l'évolution. Et il a agi avec toutes ses confessions différentes d'une manière similaire. Et il a imposé un pacte, ce qu'on appelle le pacte de Médine. C'est une sorte, aujourd'hui, d'ustour. Quand il se met d'ustour à Médine, والذي كان يسيب به كل هذه المجتمع المختلف في الديانات وفي العرق. Ce pacte de Médine, quand il l'a conclu, sallallahu alayhi wa sallam, avec les habitants de Médine, et qui regroupait juifs, musulmans et chrétiens, il était simple. Il stipulait les obligations, mais aussi les devoirs, et qui étaient similaires pour toutes les composantes de cette communauté. Mes frères, nous avons aujourd'hui un héritage qui est lourd, mais c'est un héritage qui est riche et qui est prestigieux. Et on doit le maintenir, et on doit le transmettre aux générations futures, et donc une attention particulière à nos enfants, à nos jeunes. Ce sont les porteurs du message demain. On doit leur prêter une attention particulière. D'abord en leur inculquant ces valeurs, ces principes, ces vertus, et surtout en leur donnant une éducation correcte. Ils ont le devoir de connaître leur religion, mais ils doivent la connaître correctement et positivement, pas n'importe comment. Yaqul sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha al-'ilma din, fadhkuru 'amman ta'khudhu dinakum. Cette science que vous avez apporte est une religion, elle a une sacralité. Donc faites attention de qui vous allez prendre cette religion. Faites attention à l'obligation. Faites attention à l'endoctrinement. Essayez, avec vos enfants, de les nourrir, parce que c'est une science qui nourrit d'abord, avant qu'on la prenne. De les nourrir de ces valeurs et de ces principes prophétiques qui vont leur servir aussi bien ici que dans l'au-delà. Et al-hamdi, ashiya tafa'ana fi hayatina wa fi akhiratina. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala. أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكفنا يا أكرم الأكرمين شر ما قضيت. اللهم اطلب بنا فإنك بنا بصير ولا تهلكنا فإنك علينا قدير ودبر لنا يا مولانا فإننا نفس التدبير. يا نعم المولى ويا نعم النصير ويا من العسير عليه يسير. نرجوك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعصو عليك وعلمك بحالنا يكفيك عن سؤالنا. يا من ستر القبيح وأظهر الجميل اللهم استرنا بسرك الجميل. اللهم استرنا بسرك الجميل. اللهم استرنا بسرك الجميل سترا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عن من سواك يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم خذ بيدنا اليه ودلنا بك عليه ولا تصرفنا عنك بخواطر الذنوب ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب. يا من اسمه الكريم تكرم علينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. يا من اسمه القوي قونا بك عليه قونا بك عليه. يا من اسمه الغني اغنى بك عن من سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ظاهرنا واصلح باطننا واصلح ذريتنا واصلح نساءنا واصلح شبابنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولسائر الموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم الحقنا بالمسلمين تائبين طائعين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاسدين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم الهمنا الصواب اللهم الهمنا الصواب والهمنا الحكمه حتى نكون بك ولا حتى نكون خيرا مبتلين لهذا الدين خير رافعين لهذا العدد رفراف على سالك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اصلح الظاهر واصلح الباطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا السعادة التي ختمت بها الأنبياء بكراسيك واجعل خير أيامنا أسعدها يوم لقائك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم لا تتغيصون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.